passeront jamais. Si quelqu'un de weed en général caché dans mes veines ou dans le spliff que j'ai au bec, que je m'en balègue, c'est vivre ma écho, tout calé, tout le mec. Et puis je ferme ma gueule pour rester correct et m'enfuis sur un clin d'œil. Quand j'y vais tant que je me jette. Animal doué de conscience. Vous êtes con, je pense. Gens du capital, vous êtes consciencieux. Nous, on a la dalle, la fougue et le bon sens. La foule et la bon sens. Ce soir, c'est affolant, c'est la folie dans l'ambiance. À vous de foutre le boxe, on faut allumer le fire. Foutre le bordel dans la France. Vas-y, perturbe la place. Et dur ça brasse, la weed est pure ça casse. Comme un con tu gorille devant ces clowns sans le babybel sur la face. Mais eux aussi doivent se marrer. Tant que tu votes docile, ils peuvent se parler. Ils appellent ça démocratie. Bande d'enfoirés, 200 ans d'oligarchie. Quelle fin de taré. Moi comme un vieux singe, j'observe et déduis. Vos grimaces, c'est votre linge, que votre savoir est réduit. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les projets. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les projets. C'est ma place ici. Un chien, je t'ai trop senti arriver. Mais bientôt tu seras reparti. Allez bye bye, salut, bien essayé. Mais nous on voulait être libres. Toi tu voulais la certitude d'être payé. Et nous juste peut-être vivre. Zou être suivre comme des animaux criés. Lève les bras d'Io, croire que c'est beau la vie. Touché à Rivo. Toi tu voulais des lingots malgré les pas. C'est l'Elias qui t'a donné ton. Non, j'en ai déjà les trous. La France, j'en ai pas, je suis chaud. La bourse, c'est du casino. La locasmo, je suis pas quasi, mais pour me calmer, faut quasiment une camisole et quatre spizos.

caracapou. Dans les tympans, du son qui surprend, du son qui réveille, du pain, du fun, du zou, du son qui dépend, du sur play, et décolle aussitôt. Bouge la tête comme le fait le poids sur un oscillot. De bas en haut, de haut en bas, et tu t'en bats les couilles. Tant que le son est là, tu t'en bats, yo. La leçon est là, tu m'en mâles. Comment tu pourras prêter de la thune sans mal? Comment inspirer la joie, esquiver la loi? Comment feinter, comment lutter, comment ça va toi? Hier tu deviens quoi? Ils ne sont pas de mythos. J'en rends de coca, c'est jour prolongé au comico. Car tu sais quoi, tu n'as que l'odeur du psycho. Baisse les bras et va laver tes chicots. Tu n'es que Nico, tu pensais me dominer. On joue au domino avec tes cheveux dominés. Tu n'es qu'un minot, chichi de ma commune. Comme vers une open, je craque un morceau au dîner. J'ai pas terminé, juste au même robinet. Je check le micro et je suis là, j'ai pour éteindre. Bande dessinée, je pèse le mot comme 13 euros. Fais que tu vas grave halluciner. Fais c'est des bonnes, c'est du ciné. Tu check le micro et la ferme avec pas du ciné. Tu aimes les pros, allez, va pas tourner. Retrouve tes copines et se retrouve dans la matinée. Le gros, mec, c'est faux, je te perds les os. Même les pros, on perd les mots. J'ai dit, tu testes mes bros. Non, mec, c'est faux, je te perce les os. Prends le numéro, personne du kiné. Je vais t'exterminer, te faire du mal, te ruiner. Te brancher mon 220 volts et tu vas t'illuminer. Pour dominer, enseigner les flots, se lécher les crocs. J'ai fait les déchets, j'suis déjà calciné.